Les petites histoires de Tell Me. Bonjour, bonsoir, c'est Mathieu. Aujourd'hui, je vous propose une histoire bonus. Le roi Dagobert, au secours Merlin ! Un livre jeunesse de Christophe Loupy et Héloïse Solt, publié chez Little Urban dans la collection Premier Roman. Il est raconté par Mathieu Farcy. Bonne écoute. Merlin est en retard. Le roi Dagobert faisait les 100 pas dans la salle de réception sous les regards de sa femme, Madeleine, de sa rebelle de fille, Juliette, de son conseiller personnel, Sébastien d'Artagnan, suivi de son homme à tout faire et divin cuisinier, Ballotin. Sébastien, ce garçon qui avait débarrassé le royaume d'un terrifiant dragon, une incroyable aventure à découvrir dans le roi Dagobert et le dragon Gascon, prit la parole. « Ne vous inquiétez pas, messire, Merlin viendra, il est simplement en retard. » Dagobert s'approcha du balcon pour jeter un œil vers la grande place. « Oh là là là, murmura-t-il, mon peuple s'impatiente. » Juliette soupira. « Bon ben moi, je peux plus attendre, je file au cabot qui chahute. En plus, c'est DJ Machicouli qui anime. Trop de la hallebarde. Je vous rejoins plus tard. » Elle poussa un cri de scie mal graissé et quitta la pièce dans un claquement de porte. Au même instant, la fenêtre s'ouvrit comme soufflée par un courant d'air. Merlin l'enchanteur entra dans la salle de réception. Il était assis sur un tapis volant au milieu d'un fatras d'objets en tout genre. Sous ses fesses, deux gros grimoires lui servaient de siège et devant lui, un sac de course, un filet de pêche, une longue-vue, une malle bardée de clous, un plat à tagine, une mouette, une grosse marmite. Il y avait même Excalibur, la fameuse épée du roi Arthur. Le magicien atterrit au centre de la pièce en levant les bras au ciel. Et me voici, me voilà ! Quel périple, mes amis ! Il souleva ses lunettes d'aviateur, les posa sur son front et fit la bise à ses hôtes. Vous venez de loin ? Demanda Sébastien. Un peu. J'ai rendu visite à un ami d'Orient. C'est lui qui m'a offert ce tapis. Une pure merveille. Détecteur de mouettes, système anti-roulis, freinage d'urgence automatique, régulateur de vitesse, le top. Et quel pays magnifique! Mais je parle, et je sens que mon ami Dago est impatient de faire son discours. Oui, répondit le roi, mon peuple m'attend depuis un moment. Il se dirigea vers le balcon. Venez avec moi. Dagobert fit un discours digne d'un grand orateur. Il parla des réformes qu'il avait mises en place, des futures joutes qu'il allait organiser. Et tout en parlant, il repensait à son ami Merlin, à ses magnifiques voyages. Il se dit qu'il aimerait lui aussi pouvoir visiter des pays lointains, admirer des paysages extraordinaires, rencontrer des peuples fabuleux. Mais cela coûtait beaucoup d'argent. C'est alors qu'une idée lui traversa l'esprit. Il n'avait qu'à inventer un nouvel impôt pour payer ses voyages. « Et pour finir, clama le roi à son peuple, j'ai décidé de prendre une mesure écologique. Il y a trop de charrettes, de chariots ou de calèches qui circulent dans les rues. Les crottins s'accumulent et polluent. Alors, j'ai décidé de taxer les céréales et le foin qui nourrissent les animaux de trait. Comme ça, court, court !» Que se passait-il ? Le roi se racla la gorge et reprit. « Côte ! Côte ! Crac ! » Merlin s'aperçut immédiatement que son ami avait un problème d'élocution. Il le prit par le bras et l'entraîna à l'intérieur. Madeleine, Ballotin et Sébastien les suivirent, refermant la porte-fenêtre derrière eux. Dagobert ensorcelé. « Que lui arrive-t-il ? » s'inquiéta Madeleine. Le roi caquetait en se penchant vers le sol comme s'il voulait picorer. Quand il se redressa, ses yeux s'arrondirent d'horreur. « Qui êtes-vous ? » hurla-t-il. Mais, Dagobert, s'étonna Merlin, tu ne nous reconnais pas ? Dagobert ? Répéta le roi. Mais je ne m'appelle point Dagobert ! Je suis Rico ! Mais non, mon chéri, intervint Madeleine, tu es le roi Dagobert, et tu es un homme admirable. Un homme ? Un homme ? Le roi faisait des bonds en répétant ces mots. Ses yeux tournaient dans tous les sens, affolés. Ils se fixèrent bientôt sur ses mains, et Dagobert hurla de plus belle. « Ah ! Des mains !» Puis il regarda avec stupeur ses bras, son ventre, ses jambes. « Mais je ne suis pas un homme ! Je suis un coq » protesta-t-il. « Un coq !» Madeleine se tint la tête à deux mains. « Mon Dieu ! Mon mari est devenu fou ! Il se prend pour un coq !»« Je ne suis pas fou !» s'énerva Dagobert. « Je suis un coq ! Donnez-moi des graines ! Des graines ! J'ai faim !» Merlin accompagna son ami vers un fauteuil. « Oui, calme-toi, dit-il. Tu es un coq, je te crois. Mais pour l'instant, assieds-toi là. Nous allons t'apporter des graines. Calme-toi. » Merlin fit signe à Balotin d'aller chercher des graines. Madeleine et Sébastien s'approchèrent du magicien et demandèrent « Que se passe-t-il ? » Merlin prit un air sombre et répondit « Je crois bien que quelqu'un a jeté un sort à notre roi. » Dagobert était accroupi sur le fauteuil et picorait les graines posées dans une assiette. « Un sort ? » répéta Madeleine, inquiète. « Oui, peut-être quelqu'un dans la foule. »« Quel malheur ! Je vous en prie, Merlin, guérissez-le. » Le roi sauta de son fauteuil. « Oui, cette femme a raison, dit-il. Redonnez-moi mon apparence. Je veux des plumes, une belle crête, des pattes dignes de ce nom. Regardez-moi ça, je ne ressemble à rien. » Merlin posa sa marmite dans l'âtre. « Garde !» appela-t-il. « Emplissez-la d'eau !» Puis il ouvrit un de ses grimoires. « Voyons voir. Brisez un sort. Il me semble que j'ai quelque chose à ce sujet. » Madeleine, Balotin et Sébastien suivaient ses gestes avec l'attention de l'espoir. « Ah ! Ça y est ! J'ai trouvé ! Potion pour briser un sort !» Il lut à voix basse la recette, puis se tourna vers Balotin. « Il me faut 15 clous de girofle, 5 pustules de crapaud, 10 centilitres de jus d'araignée, 25 grammes de lombric et 20 cuillères de cacao. » Le cuisinier ouvrit de grands yeux. « Mais je n'arriverai jamais à trouver ça. C'est quoi du cacao ?»« Je ne sais pas, dit Merlin. C'est marqué dans mon grimoire. Allez, dépêche-toi !» Cacao ou pas ? Quelques minutes plus tard, Merlin mélangeait les ingrédients dans sa marmite. « Pouah ! » fit-il en se bouchant le nez. « Le cacao, ça sent vraiment mauvais !» Balotin baissa les yeux, mais Merlin eut le temps d'y lire un certain malaise. « Tu es sûr que c'est ça, du cacao ?»« Ben, non, avoua le cuisinier. Moi non plus, je ne connais pas ce mot « cacao ». C'est bizarre comme nom. J'ai essayé de trouver ceux qui s'en rapprochaient le plus. « Je suis un coq ! Je suis un coq !» Le roi répétait cette phrase sans cesse. Merlin attrapa sa louche et la trempa dans le breuvage magique. « Attention, c'est chaud !» prévint Merlin. Dagobert huma la mixture avec délectation. « Ça sent drôlement bon, votre truc !» Sébastien et Balotin échangèrent un regard dégoûté. Le roi était bien le seul à aimer cette odeur de purin. Dagobert but à longue gorgée le contenu de la louche. Puis, juste après, il se roula par terre en se tenant le ventre. « Quant, quant, quant, quant, quant !» criait-il. puis plus rien. Plus de douleur, plus de cris. Il se redressa, le visage rouge mais souriant. Madeleine crut que son mari avait recouvré ses esprits. « Alors, mon Dagonou, tu vas mieux ?» demanda-t-elle. Mais il ne lui répondit pas. Il plongea sa main dans sa culotte, farfouilla tout au fond pendant quelques secondes, puis il la ressortit avec « Un œuf !» s'exclama Balotin. Qui veut la peau de Dagobert? Dans un coin de la salle, le roi Dagobert, allongé par terre, pleurait. Il regardait avec une infinie tristesse les œufs qu'il avait alignés devant lui. « Je suis un coq !» sanglotait-il. « Je suis un coq !» « Je ne dois pas pondre, c'est la honte !» Dans un autre coin, Madeleine s'était effondrée dans un fauteuil et elle aussi se lamentait. « Mon Dagonichou, il ne me reconnaît même plus !» Au centre de la pièce, Merlin, Sébastien et Balotin tentaient de trouver une solution. « Tant que nous ne saurons pas ce qu'est le cacao, je ne pourrai pas concocter de potions efficaces, » reconnut Merlin. « Eh bien, cherchons celui qui est à l'origine de ce sort, et nous saurons... » Sébastien ne termina pas sa phrase. Balotin et Merlin s'en étonnèrent. « Qu'y a-t-il ?»« 1 000 milliards de dragons asthmatiques !» Le garçon se dirigea vers Dagobert. « Tu as bien dit que tu t'appelais Rico, n'est-ce pas ?»« Oui, » répondit le roi. « Je m'appelle Rico, je suis le coq de la mer Charignon. » Balotin sursauta. « La mer Charignon ? Mais je la connais. C'est la ferme qui est à la sortie de la ville. » Merlin, qui commençait à comprendre, s'approcha à son tour. « Je vois, » dit-il. « Cette volaille a pris l'apparence de notre roi, et notre roi est en ce moment dans la basse-cour de la mer Charignon, sous l'apparence d'un coq. »« Oui, » dit Sébastien, « j'en ai bien l'impression, et ce qui m'inquiète le plus, c'est que notre roi risque de se faire couper le cou et de finir dans la marmite de la mer Charignon. »« Mon Dieu !» lâcha Merlin, « filez vite là-bas avant qu'il ne soit trop tard !» « Moi, je reste ici avec Dago, avec le coq. Je vais continuer mes recherches. Peut-être trouverai-je une autre recette pour conjurer ce sort. » Les chaperons jaunes. Quand Sébastien et Balotin descendirent dans la ville, ils ne s'attendaient pas à un tel bazar. Les rues étaient complètement bouchées par toutes sortes de véhicules et des centaines de gens habillés en jaune. Ils brandissaient des pancartes et manifestaient. Un homme qui passait près de Balotin lui tendit un chaperon jaune en disant « Tiens, enfile ça pour montrer que toi aussi tu es contre cette taxe sur les céréales. »« Non merci. »« Comment ça, non ?» s'énerva le chaperon jaune. « Tu es avec le peuple ou contre lui ?»« balbutia Balotin. Un autre individu pointa le doigt vers lui et Sébastien. « Mais je les reconnais! Ce sont des amis du roi! Attrapez-les !» Les deux amis s'enfuirent. Ils s'engouffrèrent dans une ruelle déserte et coururent le plus vite qu'ils purent. Derrière eux, une dizaine de chaperons jaunes les poursuivaient. « Ils vont nous rattraper !» cria Balotin. « Tais-toi et cours !» répondit Sébastien. Ils atteignirent la rivière qui traversait la ville. Là-bas, « le pont !» fit Sébastien. Les deux fuyards s'engageaient dessus quand ils aperçurent des chaperons jaunes sur l'autre berge. « Attrapez-les !»« Malheur !» hurla Balotin. « Ils bloquent les deux accès au pont !» Sébastien enjamba le garde-corps. « Sautons !» Balotin regarda la rivière avec anxiété. « C'est haut !» gémit-il. « Tu préfères terminer en Julienne de Cornichon ?» Sébastien sauta dans la rivière. « Attends-moi !» cria Balotin en le suivant. coq Rico ou Dagobert. Une heure plus tôt, dans la basse-cour de la mère Charignon, un coq paradait au milieu des poules. Rico poussait la chansonnette en faisant les yeux doux à Coquette Blanchette, à Divine Rouquine et à Diva Zumba. Mais au moment de prononcer son dernier refrain, il s'étrangla et tomba. « Mille omelettes !» s'écria Zumba. « Il est mort ?»« Non, il respire. » Rico ouvrit subitement les yeux. Il vit les trois poules penchées sur lui et se mit à hurler. « Hein ? Des poules géantes !» Les volailles se regardèrent. « Il est devenu fou ? Il a dû se cogner par terre. « Mon Dieu, pauvre Rico !» Mais le coq affolé recula. « Ah ! » cria-t-il encore. « Et en plus, elle parle ! Quelle horreur !» Blanchette soupira. « Tu as raison. Il a perdu la tête. » Rouquine s'approcha calmement pour lui caresser la joue. « Ne t'inquiète pas, Rico. Nous allons nous occuper de... »« Arrêtez de m'appeler Rico !» coupa-t-il. « Je m'appelle Dagobert !» Il hurla de plus belle. Puis il regarda avec stupeur ses ailes, son ventre, ses pattes. « Mais, je ne suis pas un coq, je suis un roi. C'est un cauchemar. » Et il s'évanouit de nouveau. Sébastien et Balotin se laissèrent porter par les flots jusqu'à la sortie de la ville et rejoignirent la berge. « Nous ne sommes pas très loin de la ferme de la mère Charignon !» fit Balotin. « C'est parfait ! Alors, allons-y et ne perdons pas de temps !» Quand Dagobert se réveilla, les trois poules étaient autour de lui en train de le cajoler. « Ah ! » s'écria-t-il dégoûté. « Lâchez-moi ! » Blanchette lui caressa le ventre. « Pauvre chou, il a besoin de nous !» Les deux autres le couvrirent de baisers et de câlins. « Ah ! Pouah ! » hurla Dagobert en se relevant. Les poules tentèrent de le rattraper, mais il courut à l'autre bout de la basse-cour. Derrière le grillage, la mère Charignon et son mari observaient la scène avec curiosité. « Tu vois, Raymond, je te l'avais dit, Rico n'aime plus ses poules, » expliquait-elle. « Tu as raison, on dirait même qu'elle en a peur. » « C'est bizarre, non ?»« Ouais. » Le couple de fermiers resta un instant perplexe, silencieux. Puis Raymond dit « Ça fait un moment qu'on n'a pas mangé un bon coq au vin, non ?»« Il faut sauver le roi. » Balotin, épuisé, guidait Sébastien à travers la campagne. « C'est par là !» Au détour d'un bosquet, ils aperçurent enfin la ferme. Ils se dirigèrent vers la basse-cour, le cœur battant. « Vite, dépêchons-nous !» lança Sébastien en allongeant le pas. Au même moment, d'effroyables caquettements retentirent. « Ah ! Quelle horreur !» cria Balotin. Sébastien leva les yeux et découvrit la mère Charignon qui tenait un coq par le cou. Dans son autre main brillait un énorme couteau. « Non ! Arrêtez ! Ne faites pas ça !» hurlèrent les deux amis en courant vers la ferme. Mais ils étaient trop loin, et les cris du coq assourdissaient la fermière. Dagobert se débattait comme un forcené. Il battait des ailes, ruait des pattes, hurlait au secours dans son langage de coq. Mais rien à faire. La mère Charignon avait une poigne de barbare. Son couteau était terrifiant. Dagobert sentit la peur glacer son sang. Il ferma les yeux. Et la dernière image qu'il vit fut étrange. C'était l'instant où il terminait son discours. Il regrettait maintenant d'avoir décidé cette taxe injuste, lui qui adorait son peuple et qui avait toujours dirigé son royaume avec bienveillance et loyauté. Pourquoi avait-il décidé, sur un coup de tête, d'utiliser l'argent de son peuple pour son intérêt personnel ? Aujourd'hui, il regrettait cette décision. Il voulait réparer sa faute, mais il était trop tard. Soudain, quelque chose d'incroyable se passa. Dagobert se sentit grandir, grandir, grandir. Il ouvrit les yeux. La mère Charignon le tenait toujours par le cou, mais cette fois, elle ne bougeait plus. Elle semblait figée, les yeux écarquillés, la bouche grande ouverte. Elle le regardait comme si elle avait vu un fantôme. Normal, elle ne tenait plus son coq, mais le roi Dagobert en personne. Le livre de naissance. Et c'est là que je suis tombé sur ce livre, expliqua Merlin. Dagobert, sa femme et ses amis, de nouveau réunis dans la salle de réception, écoutaient le magicien avec attention. C'est le livre de ta naissance, Dagobert, et il est mentionné, je cite, « Moi, futur roi, je m'engage à respecter et à servir mon peuple en toute loyauté. Si je bafoue mon engagement, un sort terrible s'abattra sur moi. C'est signé. Regarde ici, c'est l'empreinte de ta petite main de bébé. Et là, à côté, la signature d'un mage. » Nom d'un escargot boiteux, s'écria le roi. J'ai honte de ce que j'ai fait à mon peuple. Il n'est jamais trop tard pour réparer, fit Merlin en montrant le balcon. Ton peuple attend ton nouveau discours, mon Dago. Va, et ne le déçois pas. Le roi Dagobert alla seul au balcon, et il parla à son peuple. Mes amis, je vous présente mes plus humbles excuses. Je supprime cette taxe injuste et je vous promets que dorénavant je serai, comme je l'ai toujours été, droit, juste et loyal. » Les gens acclamèrent le roi. Certains lançaient leur chaperon jaune en l'air. « Et pour me faire pardonner, j'organise ce soir une grande fête où vous êtes tous invités. » Merlin se pencha alors vers Dagobert pour lui demander discrètement. « Érico, qu'est-ce qu'il est devenu ?»« Ne t'inquiète pas, la mère Charignon s'en occupe. » L'histoire vous a plu ? N'hésitez pas à me le dire par mail, Facebook ou sur Instagram. Et si vous avez envie de lire cette histoire et d'autres aventures du roi Dagobert, vous trouverez les références des livres dans les notes de l'épisode. À bientôt !